On va parler de notre ami François Paquette. Salut François. Salut Danny. François, ça a bougé, la terre au Québec a tremblé depuis samedi soir, autour de 19 h, ça a commencé à tout chambouler, tout ça. Écoute, ta réaction face à tout ce qui se passe? Ben, ma première réaction, c'est que ça a peut-être été un peu mal géré au départ Beaucoup. par Jeff Molson, parce que samedi soir, quand je regardais le Canadien, puis j'entendais les nouvelles concernant Scott Mellanby, c'est une chose, mais quand on a su à un moment donné qu'il n'y avait pas grand monde dans l'organisation qui n'avait pas l'air au courant du départ de Scott Mellanby, de l'arrivée possible de Jeff Gorton, disons qu'on commençait à comprendre que Marc Bergevin allait prendre la porte bientôt, mais je pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement puis aussi drastiquement. Puis personnellement, moi, je suis surtout content du départ de Trevor Timmins. J'ai rien à dire contre Paul Wilson. J'ai pas eu affaire avec lui dans les dernières années. Mais Timmins, je suis content. Mais pour Marc Bergevin, je vais dire, comme j'ai dit à bien des gens, c'est un bilan qui est mitigé. Mais ça reste quand même le meilleur directeur général du Canadien depuis Réjean Houle, parce qu'il y avait personne. Ben, en fait, je devrais Moi, dire depuis Serge Savard, parce que. moi, j'ai bien aimé André Savard. On lui a pas donné le temps, André Savard. Exactement. Mais tu sais, Réjean Houle, Pierre Gauthier, on peut parler évidemment de Bob Kenney, mais je suis d'accord qu'André Savard a quand même fait de bonnes transactions. Mais dans l'ensemble de l'œuvre de Marc Bergevin, il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais coups. C'est sûr que l'an passé, quand tu perds en finale, puis un gars comme Sergachev te fait mal paraître, puis que Drouin n'était pas là, c'est peut-être la transaction qui fait mal paraître, mais dans l'ensemble, Bergevin fait quand même du travail plus que respectable. Mais il faut dire une chose, Annie, par exemple. Si le Canadien perd en 5 ou en 6 l'an passé contre les Maple Leafs, on n'aurait peut-être pas la même discussion aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de COVID, ça fait 5 ans que le Canadien ne fait pas les séries. Oui, bon ça, point, parce que quand la COVID est arrivée avec le reclassement qu'on avait fait, ça avait permis aux Canadiens d'éliminer les Pingouins. Puis, techniquement, je pense qu'il était 23e ou ben, il avait fait le 24e ménage, dans la Ligue. rappelle-toi, il avait fait le Nate Thompson avait été envoyé. Il avait commencé à vendre des joueurs, ben, pas vendre, mais tu sais, à faire des transactions pour envoyer des joueurs parce qu'il savait qu'il ne faisait pas les séries, puis est arrivé à la COVID. Fait que. Ouais, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que, tu sais, moi, je pense que, comme je te dis, Marc Bergevin a quand même fait un travail respectable. Je pense qu'il a été trahi un peu par Trevor Timmins parce que le repêchage a été très difficile. Mais ce qui est un peu ironique, c'est que je pense que dans 4 ou 5 ans, tu risques de retrouver à la ligne bleue du Canadien des gars comme Goulet puis comme Mayou, les deux derniers choix de première ronde du Canadien. Tu sais que Kaden Goulet va probablement être le capitaine d'équipe Canada junior. Logan Mayou, on dira ce qu'on veut de son histoire hors de la glace, mais c'est un gars qui était listé en première ronde. Donc peut-être que dans quelques années, ce seront deux de tes 3 ou 4 meilleurs défenseurs, mais dans l'ensemble de l'œuvre, le Canadien s'est trompé royalement au repêchage, surtout les 2 années où ils ont repêché 3e, Galchenyuk et Kotkaniemi ne font même plus partie de l'organisation. Bon, écoute, Patrick hier a fait parler. Moi, je l'aime, moi, Patrick. Moi. Tu sais, les prochaines années à Montréal risquent d'être plates sur la glace, mais si c'est Patrick, ce sera pas plate. Fait que... C'est pour ça que. Tu sais, on est tous les deux des partisans des Pats. Patrick Roy, c'est comme les Pats. Il n'y a pas de zone grise. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est pas compliqué. Mais j'ai hâte de voir parce qu'au moins, je suis content que les choses soient claires pour dire je suis intéressé par le poste. Mais présentement, moi, écoute, je serais très surpris que ce soit lui qui soit le directeur général parce que quand Patrick est parti du Colorado comme entraîneur-chef, il était malheureux du fait d'être seulement entraîneur-chef et qu'il n'y ait pas le poste de directeur général. Fait que c'est sûr que s'il y avait l'intention d'aller à Montréal, je pense que ce serait vraiment pour avoir les deux postes, DG et entraîneur-chef. Mais il y a une liste de candidats qui est quand même très, très, très intéressante. Puis il faut s'entendre que même, écoute, Jeff Gorton, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, ce qui m'agace un peu, c'est que je pense qu'on aurait quand même pu trouver quelqu'un de Québécois, de Canadien pour faire ce poste-là. Il y a assez de candidats logiques, il y a assez de candidats compétents. Jeff Gorton n'est pas un mauvais homme de hockey, loin de là. Et je pense qu'il y en avait des très bons disponibles. Mais j'ai hâte de voir la direction qu'on va prendre. Tu sais, Gorton a de l'expérience. Est-ce que ça veut dire qu'on est intéressé par des Mathieu Darche, des Daniel Brière, ou si c'est simplement que c'était notre homme de confiance, puis que c'est un autre homme d'expérience qu'on va mettre dans la chaise du directeur général. Le prochain choix va être très intéressant. La liste est quand même assez longue de candidats, mais ça ne veut pas dire que tous ces gens-là sont intéressés par le poste, parce que ça va être une... Je ne sais pas si ça va être une reconstruction, mais ça va être une façon, essayer de trouver une façon de gérer un plafond salarial avec des gros contrats, des joueurs vieillissants, des joueurs qui ne performent pas. Puis le travail va être de taille pour celui qui va s'amener dans ce poste. Mais on s'entend-tu pour dire, François, que si Patrick, il a fait ça parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas de job? Tu sais, c'est mettre la pression sur le Canadien aussi en même temps. Tu sais, je veux dire, dans les dernières années, quand Patrick disait toujours, tu sais, ils n'ont pas communiqué avec moi, tout ça, c'était pas toujours vrai. Là. Il y a eu des quelques communications, quelques discussions à un certain moment donné. Mais, tu sais, c'est surtout la façon dont il le dit, en disant, ils n'ont rien à perdre à essayer. Ouais. Disons que dans le monde du hockey, au Québec, c'est pas de même que ça marche. Non, mais c'est ce que tu as oublié de dire, moi, c'est la première partie de sa déclaration qui est succulente, qui est une jab envers le Canadien. C'est qu'il a dit, rappelle François, la première partie, c'est court. Depuis 93, ça tourne en rond. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre à m'essayer? Moi, c'est le mot « depuis 93, ça tourne en rond ». C'est ça qui m'a fait plus encore allumer que son autre déclaration. Hey, ça, c'est-tu un job envers bien du monde, ça? Oui, puis c'était lui le gardien de but en 93. Puis c'était à partir de là, les choses ont dérapé. Ouais. Bon, je sais qu'à partir du moment où Serge Chavard a quitté en 95-96, ça a été la recherche du succès qu'on n'a jamais retrouvé. Mais tu sais, est-ce que Patrick Roy serait capable de faire le travail? Il n'y a aucun doute là-dessus. Le gars a joué dans la Ligue, le gars a coaché dans la Ligue, il connaît les choses. Patrick est certainement un gars très émotif. Et il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître cependant, c'est que Patrick peut avoir un certain succès dans le junior, mais dans la Ligue nationale, les règlements sont les mêmes pour tout le monde. T'sais, dans le junior, t'as un budget qui est très différent. Tu peux aller chercher des euros en ayant un petit peu plus d'argent, même si on veut jamais le dire, on le sait que ça fonctionne comme ça. Tu peux aller chercher certains joueurs américains qui disent « je veux pas jouer dans la LL, j'y viens plus », puis soudainement, ils vont venir. C'est très différent dans la LNH parce que tout le monde a les mêmes règlements, mais je pense quand même que Patrick serait capable, sans aucun doute, de faire ce travail. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'on va suivre. On va suivre le dossier. Quelle sera la priorité du directeur général, la priorité numéro 1? Ben, je pense que la première chose, c'est de savoir quel sera le plan. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé que Jeff Monson a parlé de reconstruction. Si c'est le cas, je veux dire, le premier geste, c'est de trouver preneur pour quelques gros contrats. Moi, je pense que c'est de dire comment on peut se débarrasser des contrats de Jeff Petrie, de Carey Price, puis de quelques autres. Moi, je pense que ce sera ça la mission. Je continue de croire que si Price revient cette année, tu vas trouver un preneur. Mais des gars comme Jeff Petrie, il reste 4 ans, à peu près 6 millions par année. Gallagher. Il est rendu à 33 ans. Gallagher. Il joue le pire hockey de sa carrière. Mais Gallagher, tu vas trouver preneur si quelqu'un est intéressé. Mais c'est toujours la même chose, Danny. C'est que si tu veux donner des gros contrats, il va falloir t'en ramasser en retour. Tu sais, un gars qui est sur la liste des blessés, un gars qui est en fin de carrière, c'est toujours la même chose. Et c'est là que ça devient très, très, très, très compliqué d'essayer de... T'sais, tu peux pas faire une reconstruction ou une transaction au choc comme on faisait dans les années 80-90. Des fois, tu peux échanger, tu sais, 5 joueurs contre 6, puis il n'y avait aucun problème. Avec le plafond, c'est tellement, tellement compliqué. Mais si le prochain DG décide de faire, en bon français, du patchage au lieu de reconstruire, ça se peut qu'on se retrouve dans 10 ans, puis qu'on se reparle, puis qu'on soit exactement dans la même situation. Moi, je pense qu'on est rendu là, de dire, écoute, on a quand même quelques bons jeunes en Suzuki et compagnie pour construire, mais faisons un ménage, allons nous chercher des choix repêchage, puis espérons qu'on va frapper dans le mille plus souvent. Puis, tu sais, Danny, j'ai remarqué, exemple, dans la transaction de Christian Dvorak, le Canadien a donné son propre choix de première ronde pour la transaction de Christian Dvorak. Ça, les gens ne le savent pas. Mais Marc Bergevin s'est protégé avec une protection top 10. C'est-à-dire que si le Canadien a un choix top 10 avec son propre choix, il garde son choix. Mais si le Canadien repêche 11e, le choix s'en va aux Coyotes et le Canadien va avoir le choix des Hurricanes. François, je veux pas te contredire, mais c'est pas le pire choix, en fait. Si le Canadien terminait, le Canadien va garder le meilleur choix possible. C'est pas ça? Il me semblait que... Non, parce que moi, je me fie à Cap Friendly quand je suis allé voir les statistiques, les choix. Okay. C'est qu'on dit qu'on l'a pris la protection top 10. Donc, qui est dans les 10 premiers, assurément, c'est le Canadien. Mais à partir de 11, ben là, le Canadien perdrait son propre choix pour avoir celui des Hurricanes. Okay. Mais, tu sais, je pense honnêtement à la façon dont on voit les choses. Je serais surpris que le Canadien soit pas dans le top 10, mais au moins, on s'est protégé dans ce genre de transactions-là. Mais j'ai hâte de voir aussi combien de temps ça va prendre, le prochain DG. Ça va-tu prendre une semaine, un mois? Ça va-tu aller juste en 2022? Est-ce que la personne qui est en place va vraiment avoir le temps de faire des choses? Ou c'est Jeff Gorton qui va tirer les ficelles jusque-là puis qui va être responsable de la reconstruction? Ça, ce sera à voir aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je veux t'emmener justement sur Jeff Gorton. Martin Leclerc, un gars que j'aime beaucoup. Martin Leclerc, il est au 91-9, hier, il est arrivé avec une statistique très intéressante que personne ne parle. C'est que lui, il tient un registre, François, toutes les années. En début d'année, il comptabilise les meilleures équipes, les meilleures équipes de dépisteurs et ainsi de suite, le directeur du recrutement et ainsi de suite. Et lui, la manière qu'il s'y prend, c'est que il regarde les joueurs repêchés et il additionne les matchs joués par les joueurs repêchés. Tu comprends son explication? Oui. OK. Et oui. Jeff Gorton est loin derrière Trevor Timmons les années qu'ils ont été ensemble. Fait que, tu sais, quand j'entends tout ça pour te dire que tout le monde dit il est bon, c'est un homme de hockey, c'est extraordinaire, ça semble être l'Alex Antopoulos du hockey. Mais c'est pas ça pantoute, là. Si on se fie à ce que aux statistiques de Martin Leclerc, c'est pas. Trevor Timmons est meilleur que lui dans son dans son ratio. Pas drôle, là. Oui, il reste toujours que tu. Mais tu sais, à quelque part, ça reste aussi que le DG va scier énormément sur son recruteur principal, son recruteur en chef. De temps en temps, tu vas mettre le pied à terre quand on s'obstine sur un joueur ou deux à savoir qui on va prendre. Mais je veux dire, Jeff Gorton a fait de très bons coups. Tu sais, je pense que tout le monde parle de Zibanejad pour Brassard. Oui, mais tout le monde en font des bons coups aussi. L'eau d'erreur, là. Pardon? Ouais, tout le monde en font des bons coups aussi. Oh oui, mais je veux dire, il y en a fait aussi des très mauvais comme n'importe quel directeur général, mais je sais pas si dans le point de presse cette semaine de Jeff Mawson, écoute, quand il s'est mis à parler de Gorton, les yeux ils brillaient comme s'il venait de trouver la huitième merveille du monde. Mais là, tu te dis, écoute, ce gars-là a été congédié comme tout le monde. Puis depuis qu'il est congédié, il a été congédié par les Rangers, il n'y a personne qui a couru après lui pour l'engager dès le lendemain. Ben on va lui donner le temps, on va lui donner le bénéfice du doute, mais reste que sa feuille de route n'est pas plus impressionnante. C'est pas loulou autour de lui parce que. Non, puis les gens ont l'air à dire, ben regardez, les Rangers ont fait... Si tu te rappelles, les Rangers avaient envoyé une lettre à leurs partisans en disant, on va reconstruire et tout ça. Mais finalement, ça n'a pas été très long parce que on a évidemment coupé les coins ronds à un moment donné en signant Panarin, en allant chercher Trouba, puis en ayant quelques choix chanceux repêchage. Parce qu'il faut se rappeler que des gars comme Lafrenière puis comme Kako, ce sont des gars qui ont été là grâce à la loterie. Ouais. Mais tu sais, dans l'ensemble, on a coupé un peu les coins ronds, mais je trouve qu'on a quand même une base très, très, très solide. Et quand on a commencé à parler de reconstruction, on avait déjà quelques bons espoirs aussi dans l'organisation. Mais je trouve qu'on a quand même bien fait les choses. Ça me donne l'impression que c'est ça qui a impressionné un gars comme Jeff Mawson. Alors, j'ai hâte de voir dans quelle direction il va vouloir aller pour son directeur général. Je sais que les gens parlent beaucoup de Daniel Brière parce que c'est un gars qui a des liens avec Jeff Gorton. Mais la question aussi, Danny, c'est que la personne qui va avoir le poste de directeur général, est-ce qu'elle va avoir les mains liées parce que c'est Gorton qui va décider au-dessus de lui? Et si c'est le cas, il y a bien des gens dans la liste que tu peux déjà barrer parce que ça ne les intéressera pas d'avoir un poste si ce n'est pas eux qui sont en contrôle de la formation qu'on met sur la patte. Effectivement. Bon, baseball, c'est à 11h59 qu'il y aura un lock-out. Moi, ça me... Regarde, j'ai aucune crainte parce que, tu sais... Moi et toi, je pense qu'il va y avoir une saison de baseball en 2022. Là. Je suis même pas inquiet parce que le baseball ne peut pas se permettre de ne pas avoir un arrêt de travail très long. Sauf que ça risque de brasser quand même en raison évidemment que les relations entre Tony Clark et Robert Manfred sont pas belles. Et ça date pas d'hier. Hein? Non, puis les gens même, les autres personnes autour là, qui vont gérer les discussions sont des gens avec des très gros égos, gens qui pensent plus à eux qu'à la cause en tant que telle. Mais je suis un peu de ton côté là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. Non. Moi, je pense que, sans dire la date limite, là, mais disons la date importante, on va dire à peu près le 1er février. Là. Si tu n'as pas d'entente rendue là, on va commencer à parler de couper dans le camp d'entraînement puis peut-être couper des matchs. Mais tu regardes ce qui s'est passé dans la dernière semaine. C'est un peu incroyable. L'exemple de Max Scherzer, c'est l'exemple le plus important parce que Scherzer va être autour de la table. Il fait partie des membres importants de l'association des joueurs. Et il signe à 37 ans une entente qui donne plus que 43 millions de dollars par année. Là, tu dis, écoute, les joueurs sont vraiment pas mal pris, mais les propriétaires ne nous donnent pas l'indication qu'ils veulent réduire leurs dépenses pour autant. Fait que c'est vraiment une bataille de millionnaires contre milliardaires. On va jouer beaucoup sur la manipulation du temps des agents libres. Prends l'exemple de Chris Bryan, qu'on avait laissé trois semaines dans les mineurs pour sauver une année d'autonomie. Vladimir Guerrero, qu'on a retardé longtemps son rappel, rappelle-toi. Et voilà, c'est des choses comme ça. Les joueurs disent, bon, il faut changer aussi la façon pour l'autonomie. Alors, le baseball majeur dit, au lieu que ce soit des années d'expérience, ça pourrait être un âge. Puis là, c'est intéressant. Sauf que le baseball majeur dit, tous les joueurs pourraient être agents libres à partir de 29 ans et demi. Ce que, évidemment, les joueurs trouvent beaucoup trop tard. Et les joueurs veulent aussi que les nouveaux venus soient un peu mieux rémunérés. Parce que ce sont les gars de 27, 28 ans et plus qui vont chercher la part du magot. Puis on essaie de trouver une façon de diviser la tarte, c'est-à-dire là où il y a des milliards et des milliards de dollars, comment on peut diviser ça pour que tout le monde soit satisfait. Ça va être très, très, très difficile. Le plafond salarial, ça n'existe pas, puis ça n'existera pas. On veut changer la taxe de luxe. On a parlé d'un plancher salarial, mais un plancher salarial à 100 millions, c'est impossible dans le monde du baseball. Écoute, il y a des clubs comme les Pirates et les Guardians à Cleveland qui ont des masses salariales de 40 millions et ils pourront pas dépenser 100 millions par année. Ils vont tout simplement disparaître. Alors, c'est vraiment une guerre qui va faire rager beaucoup de monde parce que c'est une bataille millionnaire, milliardaire. Mais j'ose croire que dans deux semaines, un mois, deux mois, on va trouver une façon de s'entendre pour s'assurer qu'il va y avoir du baseball parce que sinon, on va vider les stades. J'espère qu'on prend note avec la LNH, la NBA, où il y a des amphithéâtres qui sont à moitié vides, même avec des très bonnes formations, parce que les gens n'ont plus le même dollar loisir qu'avant. C'est sûr que tu as le contrat de télévision là-dedans aussi, là, mais le contrat de télévision, c'est l'intérêt baisse. C'est là que les joueurs accrochent. Ouais, mais si tu as le contrat de télévision, c'est l'intérêt baisse, éventuellement, le contrat de télévision va baisser aussi. Moi, puis c'est ce qui m'agace un peu avec les joueurs, c'est ça. C'est, vous avez un nouveau contrat de télévision qui vous rapporte plusieurs milliards supplémentaires. Nous, on va en avoir une partie. Vous avez, les franchises, ça a augmenté à coût de plusieurs dizaines de pourcents. Il y a des gens qui ont acheté une franchise à 1 milliard, en vaut 3 aujourd'hui. Les joueurs veulent avoir leur part du gâteau. Mais moi, ce qui m'agace, là, c'est que les joueurs ne regardent même pas ce qui se passe dans les mineurs. T'sais, on sait pas dire, exactement, c'était mon sujet, ça. Les gars mangent leur pain noir dans les mineurs. Exactement. Il y a des joueurs qui vont décider d'aller même vers d'autres sports parce qu'ils veulent pas passer 5 ans dans les mineurs à gagner 800$ par mois. Mais au lieu de ça, on veut savoir comment je pourrais faire 32 millions au lieu d'en faire 27. Puis écoute, les propriétaires ont leur part du blâme aussi. Ils ne sont pas blancs comme neige. Mais ça devient un peu redondant puis un peu triste à voir quand la moitié du monde aux États-Unis qui ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Ça fait pas très triste. Ben moi, j'avais là, ça s'est amélioré. Mais je me rappelle, en fait, il y a quelques années, une entrevue avec Abraham Thoreau quand il était dans le 2A. OK? Puis j'en avais parlé de l'histoire. Puis ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les ligues mineures. Parce que moi, à chaque année, je rejoins 2, 3, 4 Québécois qui sont dans le baseball affilié. Comment ça va ta saison? Puis ainsi de suite. Puis Abraham était dans le filial des Astros de Houston 2 au moment où j'avais fait l'entrevue. Puis il était 4 dans le logement. C'est ça. Ils n'ont pas le choix. Les gars pas d'argent. Tu sais que les Astros ont été les premiers, je pense que c'est l'an passé, à annoncer qu'eux, ils allaient loger les joueurs. Ouais. On allait maintenant fournir un logement, petite bonification au niveau salarial. Mais je veux dire, écoute, c'est le pain noir. Là. Ça n'a aucun sens que ces joueurs-là peuvent vivre pendant des années puis justement se retrouver 4 ou 5 en appartement parce qu'on n'a pas le budget. Puis c'est drôle parce que tous les gars qui sont dans les majeures à 99% sont passés par là. Mais on dirait que c'est comme, rends-toi dans les majeurs, salaire minimum est à 570 000 dans le baseball majeur, puis si tu te rends pas là, ben arrange-toi avec tes problèmes. C'est pour ça que je trouve qu'à un moment donné, c'est un peu ridicule dans une tarte d'argent où il y a des milliards et des milliards qu'on pourrait pas prendre 1% pour aider ces jeunes joueurs-là, puis faire en sorte que, puis je vais te donner l'exemple de Kyler Murray. Kyler Murray, je pense que les conditions avaient été plus intéressantes dans le baseball mineur, c'en est peut-être un qui aurait choisi le baseball au lieu d'aller au football. Mais écoute, je pense qu'on le savait depuis longtemps qu'il y aurait un lock-out parce qu'on est très loin de s'entendre. Mais écoute, ça fait partie de la stratégie. Puis on, tu sais, de chaque côté, on se garde une carte dans notre manche, là, c'est-à-dire des histoires de frappeurs désignés, de choses comme ça qu'on va essayer d'aller chercher. Mais en bout de ligne, c'est l'argent qu'il va falloir séparer et trouver une façon de bien la faire. Ouais, écoute, on pourrait tellement en parler, François, regarde, on pourrait faire un podcast de 3 heures, mais ça ne me tente pas. On va parler maintenant des Patriotes, mon équipe préférée. Et notre équipe préférée, ça doit être toi aussi, c'est ton équipe. C'est incroyable. Écoute, moi, en tant que partisan des Pats, je me dis, regarde, quand même, si on ira dans la cave, c'est pas grave. On a tellement été gâtés. Mais c'est là que tu vois que tant que Bill Belichick va être là, tant que la recette, il y a une recette des équipes gagnantes. Les Lightning et Tampa Bay, tout le monde vend Julien Brisebois. Mais Julien Brisebois applique rien que le livre de recettes du Lightning. Là. C'est pas lui qui a instauré ça. Et les Pats, ils ont une recette également. Chacun a son rôle. Bill Belichick, avant de repêcher un joueur, il s'assure qu'il va bien marcher dans le système des Pats. C'est incroyable. Moi, je suis abasourdi. Et là, c'est sûr que les Chiefs se replacent, là. Mais le match de lundi soir prochain va en dire très long sur l'équipe. Mais juste de voir Mac Jones, ce gars-là, il est de loin là, le meilleur corps recru. Il est de loin, là. Oh, même pas proche. Je vais lui donner au moins qu'il est mieux entouré que Trevor Lawrence, Zach Wilson, puis il comprend son rôle. Il n'y a pas à sauver l'équipe. C'est des petites passes courtes, beaucoup de choses au sol. Le côté de jouer du football de base, de ne pas créer de revirement. Mais tu sais, je vais t'avouer, moi, à 2-4, il y a quelques semaines, j'avais presque lancé la serviette, surtout que le calendrier était quand même assez difficile. Il y avait de très bonnes équipes. Et là, non seulement tu gagnes 6 matchs de suite, mais 6 matchs de suite de façon convaincante, tu as battu de très, très bonnes équipes. Puis c'est rare, Danny, qu'une équipe qui dépense. Puis tu sais, les Pats sont pas habituellement des gens qui dépensent beaucoup, mais on a dépensé énormément au niveau des agents libres, mais on a très bien dépensé notre argent. T'sais, je regarde un gars comme Matthew Trudon qui connaît une saison fantastique. Les gars en attaque t'en donnent tes deux tight ends avec Henry et Smith, hein, des gars comme Bourne en attaque. Tu sais, c'est des gars qui vont t'en donner. Oh, c'est pas des gars qui vont être au Pro Bowl, mais tout le monde en fait assez, puis tout le monde a compris son rôle. Puis ça reste que c'est une équipe qui a une très bonne défensive, une attaque correcte, mais la formule est parfaite pour Bill Belichick. C'est, on fait pas d'erreur, on donne pas le ballon, on va marquer notre part de points, puis on en donnera pas beaucoup. Et j'ai hâte de voir, parce que là, tu regardes le reste du calendrier, tu as parlé de Buffalo lundi, il reste 2 fois Buffalo, il va te rester les Colts d'Indianapolis, puis il va te rester en fin de parcours Jacksonville et Miami que tu vas affronter. Donc, non seulement les Pats peuvent aspirer au premier rang de la section, mais ils peuvent même aspirer au premier rang de la conférence. Ouais. Et avec les nouveaux règlements pour les séries, il y a un seul bail par conférence maintenant. Donc, il y a 7 équipes qui participent aux séries, un seul bail par conférence. Mm. C'est tout un avantage de ne pas jouer pendant une semaine pendant que les autres vont se taper dessus. Mais c'est phénoménal ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Puis comme tu as mentionné, lundi au Monday Night, je pense qu'on va avoir une meilleure idée. Mais les Pats sont 5-0 sur la route cette année. Donc, je pense que la confiance règne d'être en mesure d'aller gagner à Buffalo. Historiquement parlant, novembre et décembre, c'est les mois les plus intéressants pour Bill Belichick. Regarde depuis qu'il est avec les Pats, c'est toujours ça. Il commence tranquillement et plus ça va, plus l'équipe s'améliore. C'est fantastique de voir. On a parlé de Mac Jones, mais tu regardes Harris et Stevenson dans le champ arrière, c'est 2 autres qui ont été repêchés. La ligne à l'attaque, on a évidemment. Il y a toujours la formule des Pats aussi, c'est-à-dire qu'on laisse aller des agents libres, puis on les ramène par la suite. Si je regarde le gros broker, Trent Brown, Kyle Van Noy, Jimmy Collins, il y en a une tonne qui sont allés chercher leur argent ailleurs, puis ensuite ils reviennent. Tu regardes tout ce monde-là. C'est fascinant ce qu'on a réussi à faire. Fait que j'ai hâte de voir, mais tu sais, ça veut pas dire que si tu perds à Buffalo lundi que tu as une mauvaise équipe pour autant, parce que tu vas les revoir à domicile par la suite. Puis je pense que les Bills ont beaucoup plus à prouver que les Pats, parce que les Bills, moi, je les voyais comme champions de la division, peut-être même comme finalistes au Super Bowl, mais depuis 2 ou 3 semaines, les Bills en ont arraché, puis la défaite il y a 2 semaines contre les Colts d'Indianapolis nous a rappelé que c'est un club qui est encore très, très, très fragile. Donc, j'ai peur de voir ce que ça va donner comme résultat, mais je pense que les partisans des Bills attendent les Pats avec une brique et un fanal, parce que ça fait tellement d'années qu'on veut les battre, tellement d'années qu'on veut les dépasser au classement. Ça risque d'être une des rencontres les plus écoutées cette saison dans la NFL. François, je vais te laisser. J'aurais voulu te parler de Boomer Esiason qui compare Mac Jones à Dan Marino. Mais on s'en reparlera une autre fois, peut-être d'un autre. Moi, je suis pas un garçon. Oui, puis on va attendre pour les comparaisons. Ouais, si ouais. Puis j'aurais voulu te poser la question également. Allez, rapidement, parce que Stéphane Cadorette, il y a un podcast de football. Puis j'ai posé la question, puis je vais te la poser toi-même rapidement. La réponse, tu peux même pas me donner là. À la fin de la carrière, de leur carrière, combien de joueurs des Pats, de la dynastie des Pats, je te parle des Teddy Bruschi, des Tom Brady, tu sais, qui ont gagné la dynastie, là, combien il va y en avoir qui vont se retrouver au temps de la renommée? Oh, c'est une très bonne question, mais à première vue, je te dirais peut-être pas une tonne, Tu là. Parce sais, que ça dépend de la façon dont on voit les choses. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des joueurs de rôle, qui ont eu des rôles très importants, mais qui n'ont pas des chiffres pour aller au temple de la Gronk, renommée. Brady, Belichick, c'est sûr. Oh, ça, Ronnie je trompe pas, Harrison, mais tout à probablement. fait. Mais tu sais, des Teddy Bruschi, ça ira pas au temple de la renommée. Puis Taylor serait déjà là. Mais des Ouais, Teddy des Mike Bruschi, Vrabel. ouais, des Mike Vrabel, tu sais. Non, pas tant les Pats, c'est Non, vraiment non, le il n'y en système. aura pas une tonne. Je pense qu'il y a un gars comme Julian Edelman, comme ceux qui ont eu des très bonnes saisons. Et un gars comme Randy Moss a joué avec les Pats, Non, mais c'est non. pas là où il avait déjà fait son T'sais, des cas pour Wes le temple de la Walker, renommée, des mais ceux Danny qui ont passé Amendola, pas t'sais, mal. des joueurs que t'es. Hein? Oh. Des. Ça, Kevin Falk. Welker Pamandola, c'est sûr Rappelle-toi de que non. Kevin Falk avec. Oui, Kevin Falk est Ouais, un t'es un cas. exemple parfait. Mais tu regardes un gars comme James White. Ouais. James White est un gars, tu sais, le gars le plus utile depuis quelques années. Ce gars-là n'ira jamais au Ah temple de non. la renommée parce que c'est un gars de soutien. Matthew Slater, meilleur joueur des unités spéciales depuis 10 ans dans la NFL. Est-ce qu'il va aller au temple de la renommée? Je pense Non. pas non plus. Il y a toutes sortes de joueurs comme ça qu'on peut nommer, mais ça reste toujours la même chose. C'est la formule de l'équipe. Si tu ne tires pas dans la bonne direction, tu vas aller t'asseoir. Si ton meilleur porteur de ballon échappe le ballon, il va aller t'asseoir. Et si tu fais des gaffes, si tu ne joues pas dans le système, tu vas aller t'asseoir. C'est un peu la beauté du système des passes, mais en même temps, c'est la reconnaissance d'équipe et non pas la reconnaissance personnelle. Et Ouais. rappelle-toi, un des premiers Super Bowls que les Pats ont participé, lors de la présentation des joueurs, les Pats ont dit, nous, on ne veut pas être Oui, présentés de oui, oui. façon individuelle, on se fait présenter en équipe. Je pense que ça représentait bien ce qu'étaient les De Pats de façon l'époque. toujours intéressante de te parler. On va se reparler dans le temps des fêtes, si tu permets. Notre ami Aucun François, problème. par